Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana ambariki nyote. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous vous saluons avec joie. Tunamsalimia na furaha. Ainsi que les frères et les sœurs qui sont connectés. Amwana onduku na adada kumtandao. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Fait beau d'être à la maison du Père. Ni mzuri kabisa kwa mnyumba wa baba. L'église c'est l'endroit. Kanisa ndio fashi tu moya. Qu'on ne peut pas égaler avec nos maisons. Mule atuwezi kulinganisha na manyumba yetu. On ne peut même pas l'égaler avec nos salles de fête. Atwezi kuifananisha ata na manyumba karamu yetu. Ici, dans le sanctuaire, umu ni mwekalu, nous recevons la vie éternelle. Tunapokea uzima wa milele. Nous y recevons toutes sortes de consolations. Tunapokea aina yote ya faraja. Et nous y recevons toutes sortes de bénédictions. Nani umu ndio tunapokea aina yote ya baraka. Des choses que je ne peux pas recevoir ailleurs. Bile bitu awezi kupata fasi nyingine. Ici nous avons la joie éternelle. Hapa tunapata furaha milele. Et cela calme nos cœurs. Na ni ile ndio natuliza mioyo yetu. De toutes sortes de douleurs. Maina yote ya maumivu. Ici nos plaies sont pansées. Ni hapa njobe unatunza bilonda bietu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la bwana wetu Yesu Kristo isifiwe. C'est le calvaire qui nous a donné toutes ces choses. Na ni calvario njo tupatia ibitu byote. Lorsque Dieu est devenu un homme. Wakati le Mungu ajifanya kuwa mtu. Il est devenu l'un de nous. Anajifanya kuya mumoya wetu. Et nous goûtons les choses célestes. Na tukunaonja bintu ya kimbingu. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njoo soma neno lake. Na kuomba. Notre Père céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Nos yeux tournés vers le ciel. Micho yetu unaangalia kumbingu. Avec humilité dans nos cœurs. Na unyenyekevu ndani ya mioyo yetu. Vous demandant pardon de tout ce qui n'a pas été correct dans notre vie. Mukukomba buluma njua bile biote tulifanya bibaya maisha yetu. Implorant ta grâce et ta miséricorde. Mukomba neema na rehema yako. Et te suppliant de nous regarder au travers du sang de Jésus-Christ. Na kukusi upate kutuangalia chini ya damu ya Yesu Kristo. Afin que notre prière soit te soit favorable. Kusudi maombi yetu ipate kufikia mzuri. Seigneur, merci. Asante Bwana. Pour ce que tu as fait pour nous par calvaire. Kwa bile biote tulifanyia kupitia kalvario. Merci pour les frères et les sœurs. Asante jobanduku na adada. Que tu as racheté par ton sang. Bale ulikomboa kupitia damu yako. Ce soir, ô Dieu. Imangaribi ô Mungu. Descends. Shuka. Parle à nos cœurs infirmes. Tuseme na mioyo yetu ya ulema. Nous glorifierons ton nom. Tutatukuza jina lako. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Apocalypse au chapitre 1. Funuo sura yake ya kwanza. Apocalypse au chapitre 1. Funuo sura yake ya kwanza. Verset 7. Mustari ya saba. Verset 8. Na munane. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo sura ya kwanza. Verset 7, verset 8. Seria saba na munane. Voici, il vient avec les nuées. Tazama ekona kuja na manguzo. Mawingu. Et tout œil le verra. Na richo yote itamuona. Même ceux qui l'ont percé. Ata wale wamchoma mkuki. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Na makabila yote hapa dunia itanungunika kwa ajili yake. Oui, amen. Dio, amina. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Niko alpha na omega ivi Bwana Mungu anasema. Celui qui est, ule eko, qui était, alikuyaka, et qui vient, le Tout-Puissant. Na eko na kuja wa uwezo yote. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze baraka kusome neno lake. Le Saint-Esprit nous a dit dimanche. Roho Mtakatifu tuambia siku ya Juma. Malgré tous les plans. Ata vile mapuyote. Que les ennemis d'Israël ont conçu contre lui. Il a dit à Israël, Baritunga, il a dit à Israël. Malgré les châtiments qu'Israël avait reçus de la part du Seigneur à cause de ses iniquités. Atayinye mapiko Israël a pokea kwa kupitia Bwana kwa juu ya maovu yabo. Et ses frères méchants. Na awanduku yake warumbaya. En ont profité pour lui faire du mal. L'amour de Dieu envers Israël est éternel. Mapendo ya Mungu kwa Israeli ni ya milele. Et Dieu a décidé qu'Israël ainsi que la ville de Jérusalem seront restaurées. Na Mungu alibaya mpango wa kusema Israeli na muja Yerusalema itarudishwa. Israël occupera ses terres. Israeli atarudia tena mubulongo yake. Il va posséder les terres que Dieu lui avait promis. Atashika ile bulongo Mungu amulaka. Il va récupérer l'héritage que Dieu lui avait donné. Atabeba urithi ile Mungu alimpatia. Et cela se fera par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Na itafanyika kupitia uwezo ya Mungu wa uwezo yote. Et par son esprit. Na kupitia roho yake. Ce que Dieu accomplira avec Israël dans la chair, kile Mungu atatimiza na Israeli mumwili, c'est ce qu'il accomplira avec l'épouse des nations avant l'enlèvement. Na njo il atatimiza na bibi arusi kwa mataifa mbele ya kunyanyuliwa. C'est pourquoi l'écriture que nous avons lue dimanche d'introduction, je komana andiko le tuliingilia na siku ya Juma. Dieu nous dit, ne craignons rien. Mungu atuambia sema tushongope kintu. Quand le temps de Dieu sera là, wakati ya Mungu itafika, ça ne sera ni par la force, haitakuwa kupitia nguvu, mais ça sera par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lakini itakuwa kupitia uwezo ya roho ya Mungu. L'épouse sera complètement restaurée. Bibi arusi atarudishwa kabisa kabisa. La vie sera complètement restaurée. Uzima tarudishwa. Toutes les divergences. Na imamu achanisho yote. Kuona kwa kuachana. Toutes les divergences qui existent parmi les croyants, les prédicateurs. Makuona kukwachana kuko katikati ya wahubiri waaminifu. Toutes les opinions différentes qui se retrouvent parmi les prédicateurs. Kuona kukwachana chana kuna patikana katikati ya wahubiri. Toutes les faiblesses qui se trouvent parmi les croyants, parmi l'épouse. Mauzaifu patikana katikati ya waaminifu bi harusi. En ce temps-là, mwili wakati, par l'action puissante du Saint-Esprit, toutes les choses disparaîtront. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous attendons. Dieu lui-même le fera. Mungu yeye mwenyewe ataifanya. Comment le fera-t-il? Na ni namna gani atafanya vile? C'est par son esprit. Kupitia roho yake. C'est pourquoi persévérons. Jo kwa maana tukankamane. Jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Ufika na pale ile wakati tafika. Jusqu'à ce que l'action du Saint-Esprit se révèle parmi son épouse. Que le Seigneur vous bénisse. L'écriture que nous venons de lire ici, d'Apocalypse 1, verset 7, a toujours été mal interprété. Elle a toujours été mal compris. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prennent ce verset pour le placer sur l'épouse. Dieu a kuyweka yule bibi harusi. Pour placer cette écriture du côté des nations. Lorsqu'il parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1 verset 7 concerne les Juifs et non l'épouse des nations. Imambo ya semezi hapa ni ya Bayuda aina shie ba kumataifa. Vous devez savoir. Munapasha kujua. Qu'il y a trois venues. Kuku kuja kutatu. Pour l'épouse des nations. Ju ya bibi harusi ya kumataifa. Et il y a quatre venues différentes. Na kuko kuya kuhine kwa kuachana pour les Juifs. Juu wa Yuda. Et ces venues ne sont pas à confondre. Na kule kuja haifai tuanze kufuruka wala kuanze kutukomplike. L'épouse des nations a ces trois venues de Christ. Bibi harusi wa kumataifa eko na kuja kwake kwa mara tatu kwa Kristo. Et les Juifs ont leurs quatre venues de Christ. Na kubayuda ni maraine. Dans le Saint Écriture et dans les promesses, Mumandiko takatifu na malako, il n'y a qu'un seul retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Kuko paka kurudia kumoja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Dans ce retour, il vient chercher son épouse pour l'enlever. Na, son épouse des nations pour l'enlever. Mukule kurudia kwa kiena kwa kutafuta bibi harusi wake kwa mataifa ajaje kunyanyula. Ce retour est l'espoir de tout véritable croyant. Na huku kurudia ndio matumaini ya mwaminifu wote wa kweli. C'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Je tourne seulement moi Thessaloniciens au coin ça sur aine tourne en dia mustari ya 13. En dehors de ce seul venu, Inge, Jésus, ya kule kurudia kumoja kwa Bwana Yesu. De ce seul retour s'il vous plaît. Kule kurudia kumoja kwa Bwana Yesu Kristo. Il y a plusieurs venues de Christ. Kuko kuja kwa mingi kwa Kristo. Un seul retour de Christ. Kurudia ni kumoya. Pour venir chercher son épouse des nations en vue de l'enlever. Eko narudia ni njoo kutafuta bibi yake harusi kwa mataifa njoo akumnyanyula kwenda naye. Mais il y a plusieurs venues de Christ. Lakini kuya kwa Kristo kuko kwa mingi. Pour ce qui est des trois venues de l'épouse des nations, kwa ile nangaria kuya kutatu kwa okwetu kwa mataifa, il est venu premièrement c'est pour acheter Yesu alikuwa mara kwanza ni njoo kukomboa son église kanisa yake. C'est dans sa première venue ni mukule kuya kwake kwa kwanza que Christ versa son sang. Jo kule Kristo alimwanga damu yake. Pour payer le prix du rachat. Kusudi aripe bei ya ukombozi. Nous en parlerons plus tard. Tutesemezia mwenda basiku. Il y a une deuxième venue. Kuko kuya tena kwa pili. Toujours pour l'épouse des nations. Juu paka ya bibi arusi wa mataifa. C'est pour enlever son épouse. Ni juu ya kunyanyula bibi arusi wake. Afin de le conduire au noce de l'agneau. Sudi amongoze kukaramu ya mwana kondoo. Et troisième venue. Na kuja kwa tatu. C'est pour régner avec son épouse dans le millénium. Ninja kutawala na bi harusi wake mu miaka 1000. En dehors de ces trois venues, inje akoya kutatu. En ce qui concerne les nations, kwa ili langaria mataifa, il n'y a pas d'autre venue. Hakuna kuja kwingine. Et dans toutes ces trois venues, na mui kuja kutatu, Christ vient comme un homme. Christ onakuya sa mutu binafsi. Il vient dans la chair humaine. Onakuya mu mwili ya mtu. Il est venu pour la première fois racheter les pécheurs. Ya kwanza alikuwa ninja kukomboa tenda zambi. Avec son sang. Onakumwanga damu yake. Il vient pour la deuxième fois pour enlever son épouse dans son corps physique, lequel qui était monté au ciel et qui attend jusqu'à ce que le dernier entre au corps. Et après l'enlèvement, il reviendra pour régner dans son corps avec son épouse. Ça, c'est pour les nations. Hii ni ya kungambo ya mataifa. Voyez bien mes frères et sœurs. Non, manduku na adra pendo. Ceux qui spiritualisent la venue de Christ, bali bena fanya kuya kwa Kristo kwa kwa Kikristo. Kwa kiro enseigne une fausse doctrine. Bwana fundisha mafundisho ya bongo. Jésus en tant qu'esprit. Yesu sawa roho. Est venu depuis la Pentecôte. Alikuwa tangia Pentecoste. Depuis qu'il était descendu à la Pentecôte. Tangia alishuka en tant qu'esprit. Sawa roho. Il demeure dans son église. Ingariki paka mkanisa yake. Et il n'a jamais quitté l'église. Na ayatukaka kanisa. Même pendant la période des ténèbres, des âges des ténèbres. Ata mwilo wakati ya bizazi ya magiza. Le Saint-Esprit était toujours sur la terre. Roho Mtakatifu yo ilikuwa hapa dunia. Le Saint-Esprit était dans le reste. Roho Mtakatifu ilikuwa mwile mabaki. Ces hommes et ces femmes qui avaient échappé à la séduction de l'Antichrist. Wale wanamuke wanaume barepuka kuile utongozi ya mpinga Kristo. Et qu'ils avaient vaincu par la parole et par le Saint-Esprit qui était en eux. Na wale walishinda kupitia neno na ile roho ilikuwa ndani yao. C'est pourquoi tous ceux qui disent que Jésus est venu en 1963 sont des menteurs. La nuée qu'on avait photographiée, ce n'est pas ce qui est annoncé dans Apocalypse 1, verset 7 que nous avons lu. Aina njoo ile manatangaza mu Apocalypse mu funuo sura ya kwanza mstari wa 7. Parce que cette venue concerne les Juifs. Sababu huku ya kunangalia ba Yuda. Vois comme il est dit dans la Bible. Sababu asema mu Biblia. Voici il vient avec les nuées. Tazama inakuwa na wingu. Et tout il le verra. Na alicho yote. Même ceux qui l'ont percé. Ata wali wamtwanga mkuki. Nous, nous n'avons pas percé Jésus. Si atumtwange mkuki Yesu. Ce sont ses frères. Banduku yake. Quand il est venu. Wakati alikuya. À cause de l'aveuglement dans lequel ils étaient. Wile bupofu walikuya nabo. Ils les rejetèrent. Walimkatala. Et ils les crucifièrent. Na wakamtundika wakamsulubisha. Mais nous n'avons jamais fait cela. Mais si à tout musulubisha. Voyez bien mes frères. On en a peine. La seconde venue de Christ pour les nations. Kuja kwa pili kwa Kristo kwa mataifa. Quand il vient chercher son épouse. Wakati anatafuta bi harusi wake. Est une venue secrète. Nikuya kwa siri. Tout le monde ne le verra pas. Aina batu bote batamona pana. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Atakuya samuiji katikati ya usiku. C'est l'épouse. Mpaka bibi harusi. Qui est scellée du Saint-Esprit. Ule mwenye kutiwa muri ya Roho Mtakatifu. Entendra le cri. Kia ile lalamiko. Entendra son cri. Atashika ile lalamiko ya bwana harusi. Ceux qui sont dans la tombe seront réveillés. Bale batakuwa makaburi batafufuka. Ceux qui seront vivants seront changés. Bale batakuwa bazima watawadirika. Et toute la terre, tout le monde ne le verra pas. Même les membres de l'église du Kambov Tabernacle qui ne sont pas scellés du Saint-Esprit et qui ne font pas partie de l'épouse ne le verront pas. Il vient chercher son épouse comme un voleur dans la nuit. Les Juifs ne le seront pas. Mais cette venue, ils le verront. Parce qu'il vient pour eux. C'est pourquoi ils le verront. Tout est, il le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Dio, amina. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. L'événue de Christ pour Israël. Kuja kwa Kristo juu ngambo ya Israeli. L'événue beaucoup plus. Kuja makuja kwa Kristo ngambo ya Israeli. Ces quatre venues que nous avons énumérées. Kule kuja malaine tulisema. Les venues de Christ. Kuja makurudia kuja kwa Kristo. Pour Israël. Ngambo Israël. Se feront après l'enlèvement de l'épouse. Kutafanyika kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Aucune venue ne peut se faire avant que l'église épouse ne quitte cette terre. Awezi kuyata mara moja kungambo Israeli mbele ya bibi harusi kwa mataifa toke pa dunia. L'église est avec moi. Kanisa yetu tuko pamoja. En ce qui concerne les quatre venues de Christ pour les Juifs. Ces quatre venus se feront après l'enlèvement de l'épouse. Aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre, aucune venue de Christ pour Israël, ngambo wa Israeli, ne pourra s'accomplir. Na akuwezi kutimilika. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa tu pamoja. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, wakati wote shie, en train de prêcher l'évangile, na kuhubiri injili, les hommes de Dieu sont en train d'aller chercher des âmes perdues. Aussi longtemps que nous continuons de baptiser les gens, on fait les appels à l'autel et les âmes et les pécheurs répondent. La grâce du Seigneur demeure encore du côté des nations. C'est après l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'épouse qui arrête la grâce de Dieu du côté des nations. Et quand l'épouse sera enlevée, aucune personne ne sera plus sauvée. Ceux qui sont sauvés, mais qui ont raté l'enlèvement, resteront dans cet état. En attendant la grande tribulation et en attendant les martyrs. Mais après l'enlèvement de l'épouse, il n'y a plus de grâce chez les nations. Le temps de la grâce est terminé. Celui qui est en Christ reste en Christ. Celui qui est en dehors de Christ reste en dehors de Christ. Et ceux qui sont en dehors et qui ne sont pas sauvés, ils vont seulement passer la tribulation et le jugement. Et c'est fini pour eux. Ils sont perdus pour toujours. C'est vrai, frère. Même les vierges folles. Aucune vierge folle ne sera sauvée après l'enlèvement de l'épouse. Les vierges folles et les appelés sont sauvés maintenant. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, est en train d'appeler les péchés à la repentance. Aujourd'hui, priez, tu seras exaucé. Aujourd'hui, repentez-vous, vous serez pardonné. Aujourd'hui, demandez tout ce que vous voudrez, vous l'aurez de la part du Seigneur. Il est encore un agneau. Il est encore dans le service et de la rédemption. Il a les yeux doux. Il est miséricordieux. Avec un cœur plein d'amour. Il pardonne les pécheurs. Il guérit les malades. Il console les affligés. Voyez, il est dans son service de la rédemption. Mais après l'enlèvement de l'épouse, il n'y aura plus de sang pour couvrir le péché. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est bien compris? C'est pourquoi travailler maintenant. Pour ce qui concerne Israël, la première venue de Christ après l'enlèvement, kisha kunyanyuliwa, kuja kwa kwanza kwa Kristo kungambo wa Israeli. Quand l'épouse monte, wakati bibi harusi wanapanda, la grâce se tourne du côté des nations et de d'Israël. Neema inatoka kwa mataifa inaenda kungambo wa Israeli. Nous vous avons déjà dit, tunashambia, que Dieu ne traite pas en même temps au même moment avec les deux nations. Mungu atumikake wakati mmoja na mataifa mbili hapana. Quand il travaille avec Israël, wakati Mungu anaanza kutumika na Israeli, en tant qu'une nation, sawa taifa, il met les nations à côté. Maintenant, quand il abandonne Israël, il travaille avec les nations en tant qu'individu pour sauver les gens. Il met aussi Israël à côté. Après qu'il ait fini avec nous, qui peut être sauvé du côté des nations. L'église est avec moi. Maintenant, après le départ de l'épouse, Christ à sa première venue pour Israël, Dieu à Israël, c'est à la montagne de Sion. Lorsqu'il se présente avec les 144 000, et c'est là où s'accomplit la conversion d'Israël. En d'autres termes, après l'enlèvement de l'épouse, le salut va chez les Juifs. Et ça, la première venue de Christ s'accomplit à la conversion d'Israël. Et la conversion d'Israël s'accomplit sur la montagne de Sion avec les 144 000 de 12 tribus d'Israël. Est-ce que c'est compris? Première venue pour les Juifs. C'est après l'enlèvement de l'épouse. Et Christ vient sur le mont de Sion avec le 144 000, et c'est là où s'accomplit la conversion d'Israël. Vous voyez, dans Apocalypse 14, parle de la première venue de Christ chez les Juifs. Chez les Juifs, après l'enlèvement de l'époux des nations. Apocalypse 14. Versets 1 à 5. J'ai regardé, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 personnes, 144 000 personnes, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de l'harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 mille qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont jamais souillés avec les femmes Car ils sont vierges. C'est-à-dire, ils n'appartiennent à aucune communauté chrétienne. Ils ne se sont pas souillés avec les enseignements dénominationnelles chrétiennes. C'est pourquoi ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irréprochables. Vous voyez, regardez quand on parle du salut du côté des nations, il est dit, il les a rachetés parmi toutes les tribus de la terre. Mais quand il est parlé ici d'Israël, il est dit, ils ont été rachetés d'entre les hommes. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Donc, c'est ici la première venue de Christ chez les Juifs à la conversion de 144 000 Juifs des 12 tribus d'Israël sur la montagne de Sion. Vous voyez, dans Romains, c'est ce dont Romains 11 parle. La première venue de Christ chez les Juifs. Paul en parle dans 1er Romains, Romains chapitre 11, verset 26 à 27. Il est dit, ainsi, quand vous lisez dans le verset, dans le verset 25, il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Après que toute la totalité des païens soit entrée, c'est alors que le salut tourne chez les Juifs. Vous voyez? Et le verset 26 dit, ainsi, tout Israël sera sauvé. Vous voyez, c'est la nation. Ce n'est pas un individu. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leur péché. Vous voyez bien mes frères. Lorsqu'il va ôter leur incrédulité. Voyez, il va pardonner leur péché. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté. Il avait renié. Quand il est venu pour la première fois, pour sauver toute l'humanité. Il est venu aussi pour eux, mais eux ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient aveuglés. Voyez bien mes frères. Dieu les avait aveuglés pour notre bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si les Juifs l'avaient accepté, nous serions en difficulté. Mais l'amour de Dieu pour notre salut aveugla les Juifs pour que toi et moi nous entrons dans le corps de Christ. Oui, bien-aimés frères, lorsque j'ôterai leurs péchés, Dieu pardonnera toutes leurs iniquités qu'ils avaient commis, tous leurs péchés. Voyez, les reniements, il avait renié, il avait rejeté. Voyez, il avait percé. Il avait même réclamé le sang. Il dit que son sang retombe sur nous, sur les enfants. Et Dieu va pardonner toutes ces choses-là. Il dit, vous l'avez fait dans l'ignorance. ignorance. Je vous pardonne parce que je voulais d'abord sauver mon épouse des nations. Oui, bien-aimé frère, c'est là la première venue de Christ chez les Juifs. Donc, retenez ceci. Il vient pour les Juifs. Il vient pour les Juifs. Dans sa première venue, après l'enlèvement, c'est sur la montagne de Sion. Et quand il vient sur la montagne de Sion, il vient avec les 144 000 Juifs des 12 tribus d'Israël. Et quand il vient à la montagne de Sion, c'est pour la conversion d'Israël. C'est ça la première venue du côté des Juifs d'Israël. Deuxième venue de Christ, après l'enlèvement, c'est au milieu de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Nous le verrons plus tard. Après mon retour. La deuxième fois que Christ vient pour les Juifs, c'est au milieu de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Vous voyez bien, mes frères. Et quand il vient au milieu de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel, à ce temps-là, il met ses pieds sur la mer, un pied sur la mer et l'autre sur la terre, comme le propriétaire original. Vous voyez bien, mes frères, quand il vient pour les Juifs, pour la deuxième fois, là, il vient comme propriétaire originel. Et quand est-ce qu'il vient? Il vient au milieu de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. C'est ce qui est décrit. C'est ce qui est décrit dans Apocalypse au chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Verset 1, 2, 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Le livre ouvert ici, c'est le livre de la rédemption. Ici, il est ouvert. Parce que le livre a déjà été révélé au septième âge de l'Église à travers le septième messager de l'âge de l'Odyssée. C'est dans l'âge de l'Odyssée que le livre scellé de ce sceau est révélé aux élus de cet âge-là. Et les élus de cet âge-là, c'est nous. Vous voyez, maintenant quand il vient au milieu de la 70e semaine de Daniel, de la dernière semaine de la 70e semaine de Daniel, il a un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Vous voyez? Donc, quand il vient ici comme un ange puissant, il vient comme le propriétaire originel. Il pose son pied sur la mer et sur la terre. Ici, il gronde. Vous voyez bien, mes frères? Vous voyez bien, mes soeurs? Il se révèle. Vous voyez? Il s'est déjà révélé à Israël. Mais ici, il gronde. C'est un lion qui gronde. Apocalypse 10 a double application. Avant qu'on en parle, voyez, Apocalypse 10 a double application. Littéralement, l'Apocalypse 10 s'accomplit chez les Juifs au milieu de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel, lorsque Christ pose son son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et là, il gronde. Mais le même Apocalypse 10, dans son verset 7, il s'applique à l'épouse, au septième messager de l'âge de la Odyssée. Vous voyez bien, mes frères. Donc, le verset 7 a double application. Mais littéralement, Apocalypse 10 s'accomplit après le départ de l'épouse. Et quand on parle de l'Apocalypse 10, du côté des nations, cela concerne uniquement le messager de l'âge de la Odyssée. Parce que c'est par lui que tous les mystères de la Bible sont révélés. Mais du côté des Juifs, le mystère est révélé. Voyez la différence. Le mystère, c'est qui? C'est Christ. C'est à ce moment-là que Christ va se révéler chez les Juifs. Et quand il se révèle, les Juifs le croiront, l'accepteront comme le Dieu Tout-Puissant. Voyez bien, mes frères, ils croiront à la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, mais du côté des nations, il y a plusieurs mystères qui étaient cachés dans la Bible, que Dieu révèle par le Saint-Esprit, par son serviteur, le messager, le prophète, du septième âge de la Odyssée. Vous voyez bien, mes frères. Ça, c'est sa deuxième venue. Daniel chapitre 12. Verset 5-7. Dans Daniel chapitre 12. L'église est avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? Daniel chapitre 12, verset 7, 5. 12, verset 5 à 7. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici, des autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ce prodige? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Voyez, il gira par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié de temps et et que toutes ces forces finiront, toutes ces choses finiront, car la force du peuple saint sera entièrement brisée. Regardez ici, le même ange de l'Apocalypse, ici, il lève les deux mains. Il n'avait rien dans ça, dans ses mains. Vous voyez? C'est pourquoi il lève ses deux mains. Il n'avait pas de livre ici. Vous voyez bien mes frères? Vous voyez bien mes soeurs? Et quand il vient ici, c'est pour défendre ses frères. C'est pour défendre les Israélites. C'est pour défendre les 144 000 contre leurs ennemis, contre leurs frères ennemis. Il vient les défendre. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. C'est pourquoi ici il rougit. Ici il n'est pas un agneau. Voyez bien mes frères. Et la troisième venue de Christ après l'enlèvement de l'épouse du côté des Juifs, c'est à la bataille d'Armageddon. Christ vient pour la troisième fois. Vous voyez, c'est ce que nous lisons dans Daniel. Dans la, à la bataille d'Armageddon, c'est la venue de Christ pour la troisième fois depuis que l'époux des nations a été enlevé. Vous voyez bien mes frères, il vient défendre encore son peuple. Dans Zacharie chapitre 14, verset 1, verset 2 et verset 3. Voici les jours de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste de mon peuple ne sera pas exterminé de la ville. Le reste de son peuple, ce sont les 144 000 juifs. Vous voyez, ceux qui ne font pas partie des 144 000 seront exterminés de la ville. Ils iront en captivité. Leurs femmes seront violées. Leurs maisons seront pillées. Mais avant qu'on extermine complètement dans cette bataille Jérusalem, c'est à ce moment que lui descendra pour défendre son peuple, pour défendre Israël. Et troisièmement, l'Éternel paraîtra et combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Dans la guerre d'Armageddon, il vient sauver ces 44 000 qui sont attaqués par les autres nations. Vous voyez bien mes frères, dans Joël au chapitre 3, Joël chapitre 3. Ici, c'est à la bataille d'Armageddon. Et c'est la troisième fois que Christ vient après le départ de l'épouse. Joël chapitre 3, verset 1 à 2. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, J'entrerai en jugement contre elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Ici, il va se venger pour protéger ses frères, les 144 000 qui sont les élus du côté d'Israël. Dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, c'est toujours la troisième venue de Christ après le départ de l'épouse à la bataille d'Armageddon. Apocalypse 19, verset 11 et jusqu'au verset 21. Puis je vis le ciel s'ouvrir, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Si sa tête était plus d'Adienne, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois. Nyama. La chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête, le roi de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec les faux prophètes qui avaient fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et avaient adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et du soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ici, il est parlé de la guerre d'Armageddon. Et ici, Christ vient pour la troisième fois. Et la quatrième fois que Christ vient, après l'enlèvement de l'épouse, c'est sur la montagne des Oliviers. Et sur la montagne des Oliviers, il vient avec tous les saints pour les récompenser avant l'entrée dans le millénium. Et le jugement des nations, avant d'entrer dans le millénium et avant le jugement des nations, Christ vient, voyez, avec tous les saints pour les récompenser. Ce jugement dont on parle ici, c'est un jugement pour récompenser, pour couronner. Et là, il se tient sur la montagne des Oliviers, comme nous le lisons dans Zacharie chapitre 14, à partir du verset 3, Zacharie chapitre 14, je prends le verset 3. Prenons le verset 4, s'il vous plaît. Le verset 4 et 5. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera au milieu, par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des mêmes montagnes, car la vallée des montagnes qui s'étendra jusqu'à Atzel, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. Donc, Zacharie 14, verset 4 à 5, parle du quatrième venu, de la quatrième venue, de Christ du côté des Juifs, après le départ de l'épouse. Là, il vient sur la montagne des Oliviers avec tous ses saints. Voilà les quatre venus qui concernent Israël du côté des Juifs, après que le temps de la grâce soit fini du côté des nations. Et ces quatre venus du côté des Juifs, entièrement différentes de trois venus du côté des nations. Que Dieu vous bénisse. Première venue de Christ chez les Juifs à la montagne de Sion avec les 144 000, et là Israël est converti. Deuxième venue, toujours côté Israël, c'est au milieu de la dernière semaine de Daniel, de la dernière semaine, des 70 semaines de Daniel. Là, il pose ses pieds, son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Là, il est propriétaire originel. Troisième venue du côté des Juifs, c'est à la bataille d'Armageddon. Là où il vient combattre pour ses frères, délivrer ses frères entre les mains des ennemis qui voulaient les détruire. À la bataille d'Armageddon, c'est Christ qui vient pour la troisième fois. Et pour la quatrième fois, il vient à la montagne d'Olivier. Là, il vient avec tous les saints pour les récompenser. Voilà les quatre venus. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. C'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Maintenant, vous les différenciez avec les trois venus de l'épouse. Nous en parlerons encore. Inclinons nos têtes. Merci Père pour ces grandes révélations et cette lumière que tu jettes sur notre foi. Parce que toi, tu nous as promis et tu nous as rassurés que nous sommes tes bien-aimés. Tu ne nous cacheras rien. Voilà pourquoi tu nous révèles toutes les choses pour que notre foi soit stable. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Alors que nous attendons ton retour, aide chacun de nous à se préparer, avoir sa lampe nettoyée, avoir sa lampe pleine de l'huile, amener une vie qui te soit agréable, avoir le scellement du Saint-Esprit, et quand la trompette sonnera, que nous puissions aller à ta rencontre. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis les sœurs et les frères qui sont connectés en ligne. C'est toi le révélateur de la parole. Éclaire davantage notre foi. Nous demandons tout cela avec foi que tu le feras pour nous parce que nous sommes tes bien-aimés au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va. On va continuer. On va continuer après, donc, à mon retour. Nous allons continuer avec ça. Pour en parler davantage. J'invite le président du culte. Merci.